je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ludologie saison 4. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois comme tous les 15 jours pour parler jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société. Et puis aujourd'hui on va parler de jeux dont on espère qu'ils ne prennent pas la poussière, mais en tout cas de jeux qui se trouvent dans les musées ou de musées qui deviennent des jeux ou de choses encore plus compliquées que ça. On va en parler avec une spécialiste de la question. Alors tout d'abord, je suis en compagnie de Célène qui va co-animer cet épisode avec moi. Et puis notre invitée, c'est Marion Coville. Marion Coville est chercheuse post-doctorante, présidente de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et autrice d'une thèse sur la construction du jeu comme objet muséal. Donc forcément, quand on avait la question à poser de qu'est-ce qu'on fait avec des jeux et des musées, c'était quand même la meilleure interlocutrice. Marion, bonjour. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un petit peu plus ton parcours, parce que je sais que tu as beaucoup d'autres activités. Bonjour. Alors, mon parcours, ça a commencé aux Beaux-Arts, en fait. J'ai commencé par faire quelques années d'études aux Beaux-Arts, plutôt dans l'esprit de vouloir être plasticienne. À l'époque, je travaillais sur la vidéosurveillance en Angleterre. Je faisais des affiches où tout le monde me disait mais t'es sérieuse là ou c'est de la propagande et en fait, au bout de quelques années, tout simplement, je me suis aperçue que ça m'intéressait d'aller voir plutôt ce qui se passait du côté des coulisses, des musées, des expositions. Parce qu'en fait, j'étais dans une école où on nous formait plutôt à être plasticien, à être artiste. Mais on ne savait pas forcément ce qui se passait dans le reste des mondes de l'art. Et du coup, je me suis retrouvée à aller faire des stages dans des institutions culturelles parisiennes, notamment au Palais de Tokyo et dans un centre d'art qui s'appelle Béton Salon. Et comme journaliste dans un magazine qui n'existe plus. Et cet aspect plutôt des coulisses, d'aller voir ce qui se passe du côté des professionnels de l'art, ça m'a beaucoup plu en fait. Donc j'ai continué mes études dans ce domaine-là, en sciences et techniques de l'exposition. Et en fait, c'est un peu cette double casquette qui m'a menée à faire une thèse. C'est que d'un côté, j'ai fait un master de recherche en Cultural Studies, où j'ai découvert que le jeu vidéo pouvait être un objet de recherche à l'université. J'ai découvert les Game Studies, j'ai découvert les Cultural Studies, j'ai découvert les études de genre, j'ai découvert Bayonetta. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches dessus, à écrire. Et en parallèle, donc, j'étais en sciences techniques de l'exposition et j'ai rencontré Nicolas Rosette, qui à l'époque était conseiller numérique au théâtre de l'Agora, scène nationale d'Evry, et qui était en train de monter une exposition qui s'appelait Arcade, jeux vidéo ou pop art. Donc j'ai commencé à travailler avec lui, et finalement, en 2009-2010, j'ai pris conscience coup sur coup que le jeu vidéo non seulement pouvait être un objet de recherche à l'université, mais qu'en plus, ça pouvait être un objet d'exposition. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à travailler d'abord plutôt comme médiatrice d'exposition, comme co-commissaire autour des expositions de jeux vidéo, un peu aussi en tant que journaliste. Et au fur et à mesure, je me suis orientée vers une thèse sur ce sujet. Pour ma part, je suis tout à fait néophyte pour tout ce qui est conservation d'art et musée et pour toute cette thématique-là. Alors, comme j'imagine que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu peux nous dire quels sont de façon globale, pas que par rapport aux jeux vidéo, mais quels sont les enjeux de la conservation d'art et pourquoi on fait ça et de la plupart du temps dans quelle optique ? Alors en fait, ta question, effectivement, elle amène une précision, c'est que selon les lieux culturels dans lesquels on va mettre du jeu vidéo, on ne va pas avoir les mêmes enjeux. C'est-à-dire que tu as des lieux où on se pose vraiment la question de la conservation et du patrimoine, où il s'agit vraiment de faire l'acquisition d'une collection, qu'il s'agisse d'œuvres d'art ou de jeux vidéo. Et une fois qu'on a acquis cette collection, on va ensuite la conserver et essayer de la présenter régulièrement à un public pour la valoriser. Et puis tu as des lieux comme des centres d'art, là où j'ai travaillé pour Arcade, jeux vidéo ou pop art par exemple, qui sont des lieux qui n'ont pas vocation à avoir une collection propre. Il ne possède pas d'œuvres d'art, il ne possède pas une collection, mais leur but, c'est plutôt de valoriser la création contemporaine et de l'accompagner aussi par des résidences d'artistes, par exemple. Et donc là, cette fois, finalement, tu ne vas plus avoir cet enjeu de faire l'acquisition d'un patrimoine, de le collecter, de le stocker et de le diffuser, mais plutôt, disons, de se tenir au courant des pratiques de création contemporaine, que ce soit sur le jeu vidéo ou dans une autre, dans un autre domaine, et d'accompagner les créateurs et les créatrices dans ce domaine. Donc on a vraiment deux domaines assez distincts, et même en termes d'études, si tu veux, moi par exemple, j'ai vraiment fait un cursus qui est plutôt sur art contemporain, donc plutôt sur l'exposition de l'art contemporain et tous les métiers qui vont être autour de cette question-là, que ce soit le commissariat d'exposition, la régie d'œuvre, mais après tu as d'autres cursus qui sont plutôt orientés sur l'histoire de l'art, sur la conservation, donc même en termes d'études, on n'a pas forcément accès au même domaine en fait. Oui, parce que par exemple, quand le MoMA décide de présenter du jeu vidéo dans ses collections, il y a quelque chose de patrimonial dans la démarche. On essaye d'identifier un certain nombre de jeux. Est-ce que c'est des choses que toi, tu as pu observer un petit peu? Et notamment, je me posais la question de quels critères on prend pour sélectionner quel jeu, parce qu'on est encore sur un art relativement naissant par rapport à la peinture, par exemple. J'imagine que les sélections doivent encore poser des questions. Et qui fait les sélections? Quelles sont les formations ou les pratiques? J'ai vraiment pas mal de questions là-dessus. Juste très rapidement, tu as utilisé MoMA, je pense que tout le monde ne comprend pas ça. Alors le MoMA, c'est le Museum of Modern Art de New York, si je ne dis pas de bêtises, qui est une référence en la matière, et notamment en art contemporain, pour lequel l'entrée du jeu vidéo en 2013 a été un peu un effet et de communication et de rajeunissement aussi en termes d'image, je crois. Alors en fait, tu abordes deux choses qui sont hyper intéressantes. La première, c'est le MoMA. Le MoMA, c'est effectivement hyper important, comme tu l'as soulevé, parce que précisément, c'est l'un des rares lieux à avoir vraiment considéré que le jeu vidéo, non seulement allait faire l'objet d'une exposition, mais allait entrer dans les collections du MoMA, ce qui n'est pas forcément le cas des autres institutions culturelles qui ont produit des expositions de jeux vidéo. Et le MoMA, du coup, a décidé que le jeu vidéo allait rentrer dans ses collections au titre d'œuvres de design, et en particulier de design d'interaction. Ça, par exemple, c'est un premier critère. Alors après, on pourra y revenir. Les enjeux de la conservation au MoMA sont passionnants, puisque non seulement ils vont collecter des jeux vidéo qui datent des années 80, mais ils sont aussi en train de faire l'acquisition de jeux vidéo qui sont encore en train d'être joués aujourd'hui et qui sont des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Donc je vous laisse imaginer en termes de conservation ce que ça pose comme question. Et la question des critères, en fait, ça dépend en fait. Alors là, je vais plutôt parler du commissariat d'exposition. Dans ces cas-là, c'est vrai que c'est plutôt le ou la commissaire d'exposition qui va endosser ce rôle. Mais on remarque en fait que selon les expositions, on va avoir des stratégies un peu différentes. Alors dans le cas du MoMA, par exemple, ça a été fait en deux temps. Il y a d'abord eu un comité d'experts. Je ne sais plus si c'est d'abord le comité d'experts ou d'abord le public. Mais en gros, il y a eu une étape où un comité d'experts et d'expertes ont dressé une liste. Je crois que c'était 300 jeux au départ, vraiment importants. Je suis en train de vous dire une bêtise, c'était au Smithsonian qu'ils ont fait ça. C'était l'exposition Art of Video Games, où ils ont fait ça en deux temps, avec d'abord une liste des 300 jeux vidéo vraiment importants à exposer, et ensuite un vote du public pour élire les 80 qui seraient présents dans l'exposition. Ça, c'est une stratégie, sans forcément cet aspect participation du public, qu'on va retrouver notamment dans les expositions historiques, où il s'agit plutôt de se dire quels sont les icônes du jeu vidéo, quels sont ses grands succès, quels jeux vidéo ont vraiment marqué l'histoire, et où du coup on va plutôt avoir des expositions qui présentent des jeux vidéo qui ont connu un succès critique et commercial très important et qui vont être connus même des personnes qui ne jouent pas forcément, par des personnages comme Lara Croft ou Mario ou Princess Peach qu'on connaît dans l'iconographie populaire en fait. Et puis on va avoir d'autres d'autres types d'expositions qui vont plutôt porter sur de la création contemporaine, sur des jeux vidéo un peu plus confidentiels, où là, effectivement, les critères vont un peu plus varier. Par exemple, je parlais de arcade, jeux vidéo ou pop art. Il y avait plusieurs critères. Le premier, c'était des jeux vidéo produits il y a moins de 10 ans. Parce qu'il y avait vraiment cette envie de la part du commissaire de ne pas jouer sur un aspect nostalgique de la pratique, de ne pas faire appel à nos pratiques d'enfance, mais vraiment de parler de création contemporaine. On était dans une scène nationale qui vise plutôt à valoriser et à diffuser les arts vivants, en particulier la danse. Du coup, là, les critères, c'était vraiment de choisir des jeux qui cultivaient un rapport très particulier à la musique et au corps, avec des jeux comme Rez, Audiosurf, Geometry Wars, et qui ont aussi une esthétique assez proche avec ce fond noir, ces lumières hyper pétantes en fait. Donc il y avait aussi des critères esthétiques. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais voilà un peu deux types de critères qu'on peut retrouver dans des expositions. C'est étonnant cet appel au public pour le Smithsonian. On n'imaginerait pas le Louvre faire un appel au public pour désigner les 80 tableaux du 16e qu'il faut conserver. C'est vraiment lié au fait qu'on est dans un art populaire et que la légitimité, elle est encore à trouver sur une œuvre en particulier. Et que, enfin, j'ai du mal à voir à quoi ça tient exactement comme démarche. Je pense que ça tient à plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, les savoirs autour du jeu vidéo sont pas stabilisés. Le champ de recherche est encore émergent. Ce qui fait que je pense que c'est peut-être un petit peu plus mouvant. Il n'y a effectivement pas de critères très stricts et très formalisés pour dire vraiment ce jeu-là correspond exactement à ce qu'on souhaiterait exposer. Et à mon avis, effectivement, enfin, c'est que des suppositions, ça doit venir en partie de la dimension populaire du jeu vidéo, mais je pense aussi qu'il y a une dimension de essayons de faire participer des publics qui d'habitude ne viennent pas dans les musées. Puisque la plupart du temps, quand on entend parler de jeux vidéo dans les musées, il y a aussi cet enjeu de la fameuse tranche des 15-25 ans qui ne vient pas au musée, mais qui en même temps fait plutôt partie de la population qui joue le plus aux jeux vidéo. On est aux alentours de 90% pour cette tranche d'âge. Donc, ça pourrait être un moyen de les attirer au musée. Et je pense que inciter les publics à voter et à s'engager dans cette exposition avant même qu'elle n'ait lieu, c'est aussi une manière de faire venir des nouveaux publics au musée. L'élément qui me pose le plus question dans toutes ces démarches et dans toutes ces... qui sont extrêmement riches, c'est la définition du jeu. Mais ça, c'est quelque chose dont on parle régulièrement dans l'udologie. Donc, on va pas. Le but, c'est pas de faire une émission définition du jeu parce que on l'a déjà fait. Mais ce qui me pose question dans cette définition, c'est qu'est-ce qu'on conserve ? Parce que effectivement, est-ce qu'on conserve des vidéos de ce qu'on appellerait aujourd'hui aussi des let's play ? On voit quelqu'un qui a une pratique du jeu, alors que ce soit d'ailleurs à la troisième personne. Au-dessus de l'épaule de la personne, est-ce qu'on voit son écran ? Est-ce qu'on laisse des jeux à disposition ? Qu'est-ce qu'on conserve ? Comment ? Moi, je trouve que... Alors, déjà, je suis intéressée par la réponse, mais en plus, ça pose d'autres questions très philosophiques par rapport à la nature du jeu. Alors, il y a effectivement beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'on doit conserver dans un jeu vidéo. Il y a aussi des enjeux légaux qui sont très importants. Mais globalement, en fait, on peut distinguer trois stratégies différentes. La première, ça va être effectivement la conservation du matériel de jeu. Donc on va conserver non seulement, par exemple, les cartouches, les CD-ROM, on va conserver les consoles de jeu. C'est par exemple ce que fait l'association MO5, avec aussi la conservation parfois du matériel qui va entourer la pratique de jeu. Donc ça peut être des goodies, des publicités, des magazines. Donc voilà, enfin vraiment toute cette dimension matérielle. Et l'enjeu que ça va poser, c'est que ce matériel, il y a quand même une notion d'obsolescence, qu'il faut l'entretenir, et que si on veut pouvoir conserver la possibilité de jouer, il faut que ce matériel y tienne le coup. Donc généralement, ça va demander aussi beaucoup de compétences et de travail technique pour entretenir le matériel et une collection de supports matériels suffisante pour pouvoir récupérer des pièces détachées, pour pouvoir réparer les consoles aussi. Ça, ça va être une première stratégie. La seconde, c'est de considérer que finalement, ce qui serait important dans le jeu vidéo, c'est pas forcément le matériel, mais ça va plutôt être d'extraire le logiciel de jeu pour pouvoir continuer à y jouer indépendamment de son support matériel et indépendamment de l'obsolescence. Ça, on va plutôt être sur la thématique de l'émulation. Donc, c'est-à-dire transformer le jeu en un support numérique qui puisse être ensuite joué sur du matériel informatique à travers un émulateur de console. C'est là où je dis qu'il y a aussi des enjeux légaux très importants. Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que les sites qui proposent les ROM, qui sont les fichiers numériques de ces jeux, ça constitue vraiment des archives ouvertes. C'est Benjamin Barbier qui le dit, qui a fait sa thèse sur les pratiques d'émulation, qui parle vraiment d'archives ouvertes du jeu vidéo. Puis il y a une troisième stratégie qui va plutôt être de dire finalement ce qui est important dans le jeu vidéo, c'est la notion de pratique culturelle. C'est ce que les gens font avec les jeux vidéo. Paul Newman, par exemple, qui est un chercheur notamment en Game Studies, il va plutôt être de ce côté-là en disant ce qu'il faut qu'on conserve, c'est les let's play, c'est les walkthroughs qui ont été mis en ligne, c'est les vidéos, c'est finalement le contexte de jeu. Et c'est ça qui serait important. Et puis, on a des approches transverses, et c'est là où je rejoins par exemple le MoMA, c'est d'essayer un petit peu de mixer ces approches-là pour construire une conservation des jeux vidéo qui servent à la fois à des chercheurs et à des chercheuses pour faire leurs recherches, mais qui puissent aussi servir à des buts d'exposition et de médiation. Donc le MoMA, par exemple, ils vont faire l'acquisition du code source du jeu. Ils vont faire l'acquisition d'un support physique du jeu et de la console ou de l'ordinateur qui va avec. Mais en plus de ça, pour les jeux les plus récents, ils vont aussi essayer d'inventer un petit peu des nouvelles méthodes de conservation. Alors, ça peut être des méthodes assez simples. Par exemple, concevoir un script Python qui va aller rechercher toutes les nouvelles versions d'un jeu qui continue à être actualisé et où chaque version du jeu va être stockée comme une version de l'œuvre, en fait. Ou alors des méthodes un petit peu plus complexes, et c'est ce qu'ils ont fait pour EVE Online. EVE Online, c'est un jeu en ligne, multijoueur, avec un monde persistant. C'est un jeu qui compte plus de 100 000 inscrits et inscrites, qui continue d'y jouer encore aujourd'hui. Et le MoMA a décidé de faire l'acquisition de EVE Online. Ils ne sont pas facilité les choses. Et en fait, ils ont travaillé avec les concepteurs pour essayer d'avoir un ensemble de données sur EVE Online. Donc déjà, ils ont une version locale du jeu. Ce qui fait que si demain, tous les serveurs de EVE Online ferment, ils ont la version locale et tout le monde peut encore aller voir finalement à quoi ressemblait ce monde. Mais ils se sont dit, c'est pas suffisant parce qu'en fait, ce monde en version locale, s'il n'y a pas d'autres inscrits ou inscrites dessus, enfin, personnes connectées plutôt, c'est un monde vide. Il ne s'y passe rien, il n'y a rien à l'intérieur. Et du coup, pendant 24 heures, ils ont travaillé avec les concepteurs du jeu pour accumuler le plus de données possible sur ce qui s'est passé dans le jeu en 24 heures. Donc ça peut être les échanges marchands, les connexions, les déconnexions, d'où elles viennent dans le monde, à quelle heure, les rythmes, là où il y a le plus de connectés, là où il y a le moins, le nombre de vaisseaux qui ont été construits en une journée, le nombre de vaisseaux qui ont été détruits, enfin vraiment un ensemble de données. Et sur cette même période de 24 heures, ils ont demandé aux joueurs et aux joueuses qui le souhaitaient d'enregistrer leur partie de jeu pour qu'on puisse finalement voir ce qu'ils voient, eux, dans ce monde du jeu vidéo. Et en fait, c'est à partir de tout ça qu'ils ont conçu notamment un audiovisuel de 20 minutes, de 8 minutes, pardon, qu'on peut voir sur YouTube, qui a été mis en ligne, dans un but de médiation, en se disant de toute façon, EVE Online, on ne peut pas le présenter tel quel dans une exposition. On a besoin de passer par un autre format pour que des publics néophytes le découvrent. En fait, c'est tout ce travail de conservation et d'acquisition de données, de documents qui ont permis de produire ce dispositif à la fin. Et une chose qui m'a frappée aussi dans ta réponse, c'est tu nous dis... Il y a un enjeu de la conservation matérielle où il va falloir remplacer des pièces, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas du tout un enjeu qui est propre aux jeux vidéo, dans le sens où c'est comme ça, j'ai l'impression qu'on conserve la majorité des tableaux, qu'on conserve la majorité des œuvres de façon générale, c'est que bah, y a une pièce qui va se dégrader, il y a des gens dont le métier c'est de restaurer les œuvres, etc. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, dans ce cas-là, je serais ravi d'être détrompé, qu'on a tendance, en tout cas dans notre culture, à avoir une philosophie de la conservation de l'œuvre qui va être beaucoup... Bah, tant pis si le bois, c'est plus du tout le même et qu'on a changé toute la peinture, le bois et, par exemple, et la toile dans le cas d'une œuvre, d'une peinture. Tant que l'esprit de l'œuvre est encore là et tant qu'on peut avoir en tout cas l'impression de voir la même chose que les gens qui voyaient cette œuvre il y a 500 ans ou il y a 600 ans... Et qu'à côté de ça, ça ne nous intéresse que peu d'avoir, d'avoir une peinture où on ne voit plus rien en disant c'était l'original de la Joconde, mais on ne voit plus rien, et si vous voulez voir, il y a la version numérique. Alors, est-ce que mon sentiment est vrai par rapport à ça ? Ça, c'est une vraie question. Mais en plus, est-ce que ce qui est en train d'être développé dans la conservation des jeux vidéo aurait du sens en termes d'enseignement, en termes de richesse, dans la conservation des autres œuvres, des autres types d'œuvres ? Alors, il y a plein d'éléments dans ta question. Je vais essayer de... Je ne vais peut-être pas répondre à tout. Alors, en termes de restauration des œuvres d'art, c'est vraiment des techniques qui sont hyper complexes, avec des cursus très longs, qui cherchent justement à essayer de conserver le plus les techniques originales pour conserver les couleurs, pour conserver les matériaux. Donc, on est vraiment sur une recherche, en fait, de conserver une œuvre pour qu'elle soit la plus proche possible, en fait, de la manière dont elle a été produite. Pour moi, il y a quand même une différence entre la conservation des œuvres d'art et la conservation des jeux vidéo. C'est que du côté des jeux vidéo, on a cette thématique de l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que le producteur de tableau, il n'a pas intérêt qu'au bout de 10 ans, son tableau il soit plus visible. Or, du côté des consoles de jeux vidéo, il y a un intérêt à ce qu'il y ait une obsolescence programmée. Il y a par exemple un intérêt à ce qu'il n'y ait plus de rétrocompatibilité entre les différentes consoles. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'une des thématiques sur lesquelles se battent les personnes qui cherchent à conserver le jeu vidéo, c'est d'essayer de sensibiliser les industriels et les conseillers à cette thématique. Ce que les associations rapportent, c'est que ce n'est pas toujours évident de leur faire entendre l'intérêt de la conservation, puisque eux n'y voient pas forcément leur intérêt. Puisqu'on voit aujourd'hui que le jeu vidéo rétro a quand même beaucoup de... Enfin, il est de plus en plus valorisé. On voit par exemple avec les remakes, les versions HD de jeux qui ont existé il y a 10, 15 ans et qui sont refaits en version haute définition pour une nouvelle console. Donc on voit finalement que l'enjeu de la conservation du patrimoine vidéoludique, il n'est pas forcément en phase avec les enjeux économiques de l'industrie qui produit les consoles qu'on cherche à conserver. Donc forcément, il y a une tension. Et cette tension-là, on ne va pas forcément la retrouver dans d'autres domaines où on n'a pas aussi des entreprises qui produisent les objets techniques qu'on cherche à conserver. Et pour moi, c'est intéressant aussi de penser ces spécificités-là. C'est que là, on travaille avec ou contre aussi tout un écosystème d'entreprises qui ont produit ces objets. Est-ce que c'est pas parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre d'un côté de la conservation d'objets techniques et en même temps de l'autre de la conservation de contenus créatifs, artistiques? C'est peut-être là la spécificité, en tout cas pour le jeu vidéo, on pourra revenir sur d'autres formes de jeux, mais il y a cet enjeu de on est aussi dans les sciences et techniques en termes de conservation. D'ailleurs, il me semble, j'ai peut-être des bêtises, mais que les premières conservations muséales de jeux vidéo, ça a été plutôt dans des musées de sciences et techniques où on a gardé le matériel presque plus que les logiciels qui étaient produits dessus, il me semble. Je ne suis vraiment pas sûr de mon coup. En tout cas, si tu prends une association comme MO5, la conservation du jeu vidéo, elle est liée par exemple à la conservation du matériel informatique. C'est une association qui s'est aussi construite sur la conservation du matériel et du patrimoine informatique. Effectivement, comme tu le dis, en fait, précisément, la tension, c'est que le jeu vidéo, c'est un objet qui est complexe. C'est des objets techniques, concrets, matériels. C'est aussi des logiciels. C'est des contenus médiatiques, donc on a déjà trois couches, on va dire, et en plus, par-dessus, tu peux rajouter toute la dimension des pratiques de l'appropriation et du sens qu'on va faire autour de cet objet. Et effectivement, finalement, tu vas avoir plutôt chaque institution, selon sa spécialité, qui va plutôt essayer de s'approprier telle partie ou telle autre du jeu vidéo. Je reviens à la marotte que j'ai de la conservation de différentes œuvres. Et c'est vrai que quand on conserve des tableaux, on ne va pas conserver... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on présente dans tous les musées où on présente des tableaux. Alors peut-être dans certains musées particuliers, mais pas dans tous, la façon dont le peintre ou la peintre a pensé, conçu son tableau et la façon dont ses contemporains et ses contemporaines l'ont regardé. Or, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que, dans l'approche que tu nous décris, on va beaucoup miser sur l'interaction que possèdent les joueurs avec le logiciel, avec le matériel. Donc, est-ce que ce ne serait pas, quelque part, une forme de reconnaissance par les musées, par la conservation en général, de l'interactivité dans la grammaire même de l'art ludique ? Précisément, la spécificité du jeu vidéo, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on va le retrouver au MoMA du côté du design d'interaction, c'est précisément ça, en fait, qui fait sa spécificité. C'est le fait qu'on a un objet et un logiciel qui ont été conçus pour pouvoir interagir avec, et c'est précisément dans le game design même, dans les mécaniques de jeu, qu'on va plutôt aller trouver la spécificité du jeu vidéo. Mais selon la manière dont il est exposé, on n'est pas forcément en fait sur ce discours-là. C'est-à-dire que le discours que je viens de te sortir, il n'est pas forcément assumé et présenté comme tel par toutes les institutions qui vont présenter le jeu vidéo comme de l'art. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir des discours artistiques plutôt sur l'image dans le jeu vidéo. Quitte parfois à aller oublier que c'est aussi un média interactif et plutôt le rapprocher du côté de l'estampe, par exemple, ou alors parfois de l'image animée, mais vraiment avec cette idée que ce qui fonderait le geste artistique du jeu vidéo, ça serait le dessin. Ça, c'est une posture que je ne partage pas du tout, mais c'est une posture. Les discours artistiques qui ont été valorisés vers 2012 au ministère de la Culture sur le jeu vidéo, il s'agissait de dire que le jeu vidéo était au croisement de l'art, des sciences et techniques, des sciences, de la technologie. Et généralement, en fait, quand on regardait un petit peu dans les discours, on se dit mais alors du coup, qu'est-ce qui est rangé dans la catégorie art ? Et on se rendait compte que c'était plutôt le graphisme, la musique, les arts de la musique et de l'image. Mais finalement, tout le volet programmation et game design repassait du côté de la technique, dans cette idée vraiment qu'on aurait d'un côté l'art et de l'autre côté la technique. Et que les deux ne se confondent pas et qu'il y a vraiment une frontière totalement imperméable entre les deux. Et ça, vraiment, c'est cette idée de... dans le jeu vidéo, il y aurait quelque chose d'artistique, et ça serait le dessin, et ça serait la musique, mais l'ensemble du jeu vidéo en lui-même ne serait pas artistique, ce serait que cette partie-là qui lui confère une valeur artistique. C'est un discours assez courant, qui du coup oublie la notion d'interactivité et de game design. Mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de génération là-dedans avec des personnes qui, ou de culture en tout cas, avec des personnes qui retrouvent dans le jeu vidéo ce qu'elles voient comme forme artistique légitime, musique, graphisme, sans effectivement être en capacité de regarder la production comme un tout? Je pense que ça va même au-delà d'une question de génération, comme tu l'as dit, c'est une question de légitimité, d'hiérarchie culturelle. C'est qu'on a des productions et des formes culturelles qui sont considérées comme plus légitimes que d'autres, et que dans un objectif de légitimer le jeu vidéo d'un point de vue culturel et artistique, on va aussi avoir tendance à le rapprocher de ces formes-là qui sont déjà considérées comme de la création artistique. C'est des discours qu'on a par exemple beaucoup entendus dans la presse en 2011 au moment de l'exposition Game Story au musée au Grand Palais, où il s'agissait plutôt de comparer le jeu vidéo à Matisse, à Picasso, à des grands peintres, toujours dans cette idée que finalement on va essayer d'élever le jeu vidéo dans les hautes sphères culturelles et que c'est comme ça qu'on va le légitimer. Or effectivement, du coup, on redouble en fait cette hiérarchie en passant sous silence la dimension interactive, la dimension technologique du jeu vidéo. Bon, mais alors pour les gens qui font les choses bien et qui décident de poser la question du gameplay, ou en tout cas de la mettre au centre et de l'interaction au centre de la musification des jeux, ça pose quand même tout un tas de questions parce que concrètement, en dehors de faire expérimenter les jeux, qui n'est pas nécessairement toujours... Je ne suis pas certain que ce soit toujours la solution la plus simple ou la plus efficace. Comment est-ce qu'on arrive à présenter, à valoriser des gameplays, à les mettre en rapport les uns avec les autres, enfin à faire un travail vraiment de collection pour le public, parce que pour le coup, c'est un objet qu'on apprend encore à maîtriser. Faire des expositions d'œuvres picturales, on sait bien faire, mais des expositions de choses qui sont purement interactives et qui existent selon leur interactivité, dans l'art contemporain, je crois comprendre que ça commence à être bien en place, mais c'est encore pas évident. Dans le domaine de l'art numérique aussi, c'est une question qui est posée depuis un bout de temps. Du côté du jeu vidéo, effectivement, bah c'est des expérimentations aussi, tout simplement. Alors j'ai des petits exemples comme ça, par exemple sur le fait de est-ce qu'il faut jouer, est-ce que c'est pas aussi compliqué de jouer en public. Je me rappelle d'une exposition qui s'appelait Playtime à la Maison d'ailleurs en Suisse, qui justement avait construit des petits isoloirs où tu rentrais dans un isoloir et où tu pouvais t'asseoir sur un petit banc pour jouer tranquillement à un jeu et tu tirais le rideau, comme ça t'étais au calme, t'étais tranquille, t'es dans l'exposition mais il n'y a personne qui te regardait. D'une certaine manière, Museo Games a aussi travaillé là-dessus avec un îlot central où on pouvait jouer aux jeux vidéo mais où en fait les vidéos, enfin la retransmission de notre partie de jeu était projetée de l'autre côté de la salle sur des grands écrans, ce qui faisait que ça détournait le regard d'une partie du public. Il y a aussi des tentatives justement d'essayer de proposer autre chose par rapport à l'expérience du jeu vidéo au domicile. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une question qui revient beaucoup du côté des commissaires d'exposition, du côté des muséographes, c'est ok, en fait on va prendre des jeux vidéo qui sont issus d'un contexte où les gens peuvent déjà les connaître, peuvent déjà avoir joué à ces jeux-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour les présenter différemment et pour proposer une expérience différente avec ces jeux-là ? Du côté de l'exposition arcade jeux vidéo pop art, par exemple, ça avait donné lieu à la construction de bornes d'arcade, qui étaient des espèces de grands monolithes en bois avec un socle en béton, avec un panneau de commandes assez large. Et l'idée, c'était de transformer des jeux qui étaient disponibles sur Xbox ou sur PC en jeux où tu étais debout, avec un panneau de commande assez gros, un peu à bord de ton vaisseau spatial. Et en fait, à l'intérieur de la borne, il y avait des vidéoprojecteurs grand angle qui projetaient le jeu vidéo directement sur le mur à, je sais pas, ça faisait 4 ou 5 mètres de large. Donc on essayait par exemple de changer vraiment ce rapport à l'expérience du jeu et de voir aussi qu'est-ce que ça faisait au corps. D'un seul coup, de se mettre à jouer de cette manière-là. Dernier exemple, c'est celui de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, qui, pour le coup, avec Jeux vidéo, l'expo, s'est dit on ne va pas faire une exposition où on prend des jeux issus du commerce pour les déplacer dans un autre espace, mais on va faire une exposition comme on a l'habitude d'en faire à la Cité des sciences, c'est-à-dire on va se pencher sur un sujet. On va réunir un comité d'experts et d'expertes. On va dresser la liste des savoirs et des informations qu'on a envie de transmettre à notre public. On va en faire des thématiques. Ça va être la sociologie des pratiques du jeu en France. Ça va être expliquer ce que c'est qu'un middleware, etc., etc. Et à partir de là, on va concevoir des dispositifs de médiation interactifs, ludiques, comme on en trouve à la Cité des sciences, pour faire la médiation de ce savoir. L'originalité étant que, étant donné qu'on est sur le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est le sujet de l'exposition, mais ça va être aussi le médium avec lequel on va travailler pour faire ces dispositifs de médiation. Donc, il y a eu des détournements de jeux vidéo, il y a eu des modifications de logiciels de jeu pour changer les personnages à l'intérieur, pour changer les décors. Il y a eu du travail avec des game designers pour changer carrément la version d'un jeu et faire prendre à un jeu un nouvel embranchement pour concevoir un logiciel spécifique à la Cité des sciences. Donc ça, c'est une autre tentative. Enfin, voilà quelques exemples de ce qui peut être fait. Et puis après, bien évidemment, le jeu vidéo dans le musée, c'est des expositions de jeux vidéo, mais c'est aussi des dispositifs de médiation pour des sujets totalement autres, mais qui utilisent le jeu vidéo pour faire la médiation de savoir et de collection. Donc si en plus de vouloir conserver le matériel et l'esprit, le logiciel, on veut conserver la pratique ludique et ce qui se passe dans la tête des gens quand ils jouent, ça veut dire que, enfin, moi je me resitue par exemple dans mes débuts de joueuse, donc au début des années 90, quand j'avais ma Super Nintendo et j'attendais le prochain jeu qui allait sortir et je devais demander à mes parents, etc. Et dès que ça parlait de jeux vidéo à la télé, parce que justement ça a changé tout ça, la présence des jeux vidéo à l'époque dans les médias était anecdotique. Et moi je me souviens quand j'étais petite, dès que ça parlait de jeux vidéo à la télé, j'étais aux anges. Oh, ça parle enfin de jeux vidéo, etc. On avait des tas de légendes urbaines qui se formaient autour du jeu vidéo. Ça faisait partie de la pratique ludique aussi que de discuter avec les amis que si à Pokémon, tu te téléportes, tu utilises vol et puis tu vas tel safari, tu comptes les pas et puis en fait tu débloques un bug. Puis en fait la moitié de ces histoires-là, ça marchait pas. Mais ça faisait partie des légendes urbaines aussi qui créaient notre pratique du jeu à l'époque. Donc déjà, est-ce que... comme tu as parlé des walkthroughs tout à l'heure, tu as parlé des let's play, mais est-ce qu'on n'a pas perdu déjà des choses de cette époque qui font qu'on aurait du mal à les resituer dans les musées ? Est-ce que l'idéal, de même qu'aujourd'hui on a des salles Renaissance, voire des salles 17e italiennes, des salles pour les autres types d'œuvres, est-ce que l'idéal par rapport aux jeux vidéo, ce serait de dire... Ben, on va avoir une salle 1991, on va avoir une salle 1992, et puis avec toutes les évolutions et les publicités de l'époque et le contexte, ou alors est-ce que c'est plus nuancé que ça ? Alors, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à l'exposition de jeux vidéo qu'il y a eu à la Fondation EDF, où il y avait une espèce de period room à la fin de l'exposition, avec un endroit qui essayait de recréer la chambre à cette époque-là. Plusieurs choses. Déjà, en termes de conservation d'un univers culturel ou de la présence du jeu vidéo dans les médias à un instant T, il y a des archives qui sont très importantes, c'est les archives de l'INA, dans lesquelles on va retrouver la manière dont étaient traités les jeux vidéo dans les JT dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Ça, c'est déjà une source très importante. Après, je pense qu'il ne faut pas confondre s'intéresser aux pratiques des joueurs et des joueuses et essayer d'entretenir l'idée d'une expérience originelle qui ne pourrait plus être retrouvée sauf si on recrée exactement les conditions matérielles, culturelles. Non, c'est plus possible. Je dis ça parce que quand on lit les livres qui ont été écrits justement sur cette idée de conserver la pratique du jeu, on a parfois l'impression qu'il y aurait eu un espèce d'âge d'or qu'on aurait quitté et que par la conservation du jeu vidéo, il faudrait réussir à retrouver cet âge d'or, de retrouver le bonheur que tu avais quand tu soufflais dans ta cartouche avant de la mettre dans ta Super Nintendo. Quand je parle du coup de s'intéresser aux pratiques des joueurs et des joueuses, je pense que ça ne veut pas dire reproduire à l'identique quelque chose, puisque de toute façon, effectivement, c'est plus le contexte actuel. Mais là, et je vais prêcher pour ma paroisse en bonne sociologue, c'est qu'à mon avis, il y a aussi un travail à faire avec les chercheurs et les chercheuses et avec les enquêtes ethnographiques. Puisque nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre travail ? Ben, on va voir les joueurs et les joueuses, on fait des entretiens pour savoir comment ils et elles utilisent les jeux vidéo, quels sens ils donnent à leurs pratiques. Il y a aussi des ethnographies en ligne, donc qui se déroulent aussi dans les mondes qui sont investis par les joueurs et par les joueuses. Et ces ethnographies, elles se poursuivent en présentiel du côté des joueurs et des joueuses pour comprendre dans quel contexte ils jouent, selon quel arrangement, dans quel milieu. Et en fait, ça, c'est des travaux qui sont hyper importants aujourd'hui et qui sont particulièrement développés. Parce que je suis en plein milieu dedans, du coup, je les vois tous. Mais c'est des travaux qui sont assez importants. Pour en citer quelques-uns, par exemple, il y a l'enquête Ludespace, qui a été faite en 2012, qui est la première enquête sur les pratiques culturelles des Français et des Françaises en matière de jeux vidéo, qui est une enquête hyper importante qui nous a donné vraiment énormément de données. On a d'autres travaux plus ethnographiques. Par exemple, en ce moment, il y a une thèse qui est en train d'être réalisée par une jeune chercheuse qui s'appelle Gabrielle Lavenir sur l'utilisation du jeu vidéo par les personnes âgées. Il y a un chercheur, un sociologue qui s'appelle Bruno Vettel qui a énormément travaillé sur les échanges marchands dans les jeux vidéo. Donc non seulement les échanges marchands qu'on peut faire avec de la monnaie virtuelle quand on achète des objets dans le jeu, mais aussi le fait d'aller revendre son personnage sur le bon coin, d'aller acheter des abonnements, de farmer pour pouvoir acheter un abonnement d'une autre manière. Tout ça, ça a été aussi des enquêtes hyper fines qui se déroulaient à la fois en ligne, en présentiel, au domicile des adolescents et des adolescentes qui jouaient, dans les entreprises pour comprendre comment c'était lié aussi à la conception des jeux vidéo. Et tout ça, c'est des travaux qui sont hyper importants. Et bon, là, je vais plutôt parler en tant que présidente de l'OMNSH. Mon rôle, c'est aussi d'essayer de valoriser tous ces travaux-là pour que l'expérience des joueurs et des joueuses, elle soit mieux comprise. Parce que c'est un enjeu de conservation des pratiques, de compréhension des pratiques, mais c'est aussi, enfin oui, c'est vraiment ça, c'est la compréhension des pratiques des joueurs et des joueuses, parce qu'aujourd'hui, même si le jeu vidéo est représenté comme une culture et représenté comme un art, on continue à avoir des paniques morales autour de son utilisation, à avoir des discours extrêmement problématiques qui considèrent que les joueurs et les joueuses sont complètement passifs, qu'ils sont passifs face aux images, face au contenu des jeux vidéo. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour avoir une meilleure compréhension de la pratique et du rapport qu'on entretient avec les jeux vidéo. En parlant de pratique, je vais revenir à un sujet que tu commençais à toucher du doigt dans ta réponse précédente, qui était assez connexe aux autres finalement, puisqu'on parle de muséification des jeux vidéo. Et toi, de ce que j'ai compris, tu parlais de ludification des musées, qui est un peu l'autre angle. C'est des choses que tu as pu observer un petit peu. J'imagine qu'avec les pratiques et notamment la démocratisation du smartphone, il y a pas mal de choses qui ont eu l'occasion de bouger en termes de... d'expérience ludique dans la pratique de la visite de musée. Alors, les interactions entre les musées et les jeux vidéo en France, elles commencent relativement tôt, puisque dès les années 90, en fait, on va retrouver des collaborations entre la Réunion des musées nationaux et l'entreprise Cryo pour créer le fameux jeu Versailles. Et par exemple, ça, c'était une collaboration entre une institution culturelle et une entreprise conceptrice de jeux vidéo pour produire un logiciel de médiation culturelle. C'est une manière qu'on va retrouver dans pas mal d'institutions culturelles, c'est l'idée qu'on va utiliser le jeu vidéo non pas à l'intérieur des musées, mais plutôt à l'extérieur pour pouvoir faire la médiation, notamment d'un patrimoine monumental qu'on peut pas déplacer, comme le château de Versailles, pour pouvoir l'apporter à d'autres personnes qui soit n'ont pas la possibilité de venir, soit ne trouveraient pas l'intérêt d'aller dans ce lieu-là et vont le découvrir autrement par la conception d'un jeu d'enquête où finalement le musée devient le terrain de jeu dans un logiciel de jeu. C'est quelque chose qui a été exploré il n'y a pas très longtemps par Edwige Lelièvre qui a créé le jeu de rôle en ligne Ostia Fabulis avec le Centre des Monuments Nationaux qui est là aussi une modélisation 3D de plusieurs monuments nationaux français en fait, et en fait il y a tout un jeu d'enquête qui va se développer pour passer de monument en monument. Et puis ensuite effectivement on va avoir plutôt des choses qui vont se passer à l'intérieur des musées où on va effectivement essayer de ludifier un petit peu les parcours. Ça va être beaucoup le cas avec tout ce qui est réalité augmentée, avec l'usage des tablettes, avec l'usage des smartphones, où tu vas utiliser ta tablette ou ton smartphone comme une sorte de révélateur. Et donc tu dois regarder un espace avec ta tablette, et puis il y a des choses qui vont se passer en surimpression. C'est notamment utilisé pour les parcours pour enfants où tu vas devoir chercher des petits personnages qui se cachent dans un lieu de patrimoine et où du coup tu vas devoir courir partout avec ta tablette pour regarder l'espace à travers cette focale-là. Mais ce qui fait que du coup tu es obligé de parcourir tout l'espace du lieu de patrimoine. Il y a eu au Musée des Arts et Métiers aussi l'initiative Plug, les secrets du musée, où c'était un jeu de pistes avec des cartes à collectionner, où il fallait aussi répondre à des quiz. Et où là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment l'idée d'utiliser l'attitude ludique pour découvrir le musée autrement. Et c'est quelque chose qui ressortait pas mal d'ailleurs de la part des visiteurs et des visiteuses qui avaient essayé. C'était cette idée que d'un seul coup, on était dans le musée, on se mettait à courir, on se mettait à crier. Les attendus et les conventions de la visite muséale, d'un seul coup, volaient en éclats. Et c'était assez, assez intéressant. Et puis... Tu vas avoir aussi des choses comme ça plutôt pour le patrimoine qui va se trouver en ville. Par exemple, l'utilisation d'ARG pour faire de la médiation autour d'un lieu où tu vas devoir c'est un jeu en réalité alterné, où tu vas avoir une application smartphone ou des indications sur un site web, mais à un certain moment, il va falloir te rendre en fait directement face à ce lieu devant lequel tu passes peut-être tous les jours, mais là, d'un seul coup, ça fait vraiment partie d'un jeu d'enquête avec des animations autour, avec des projections dont tu le découvres autrement. Et puis, il y a aussi l'utilisation, là, on revient aux jeux vidéo comme objet technique. On va avoir l'utilisation des consoles de jeux comme un audio guide. C'est le cas au Musée du Louvre avec la Nintendo 3DS, où là... On a effectivement l'image positive de Nintendo, l'image ludique de Nintendo, mais l'objet en lui-même, en fait, il est plutôt débarrassé de la possibilité d'y mettre un logiciel de jeu. Et c'est vraiment les caractéristiques techniques de la console, le fait d'avoir deux écrans, d'avoir une géolocalisation, une connexion Wi-Fi, une image 3D qui va être utilisée pour l'aide à la visite. Enfin, voilà quelques exemples et quelques stratégies qu'on va retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation de gadget marketing là-dedans ? Ben, on va revenir à l'idée tout à l'heure des 15-25 ans. C'est-à-dire que quand un musée fait entrer du jeu vidéo ou fait entrer une console de jeu qui a une image plutôt effectivement ludique, familiale, de loisirs, divertissante, bien évidemment, il y a aussi un enjeu d'image de marque extrêmement fort. Il y a une campagne de communication très importante. Je crois qu'ils ont fait venir Shigeru Miyamoto pour présenter le nouvel audio guide. Il y a eu un partenariat, un mécénat de compétences avec Nintendo. Et effectivement, il y a l'idée de faire venir un nouveau public par cette communication-là. Je crois qu'il y a un des bilans qui était présenté par le Louvre qui disait qu'effectivement, d'un seul coup, ils avaient été présents sur des sites de presse spécialisée qui n'avaient jamais parlé d'eux. Et où d'un seul coup, le Louvre était aussi présent dans toute la presse spécialisée sur le jeu vidéo, sur plein de blogs qui jamais auparavant n'avaient parlé d'eux. Donc bien évidemment, il y a aussi un enjeu d'image et de captation d'un public qu'on n'arrive pas à faire venir, qui est hyper important. Quand tu parles de musée-jeu, alors que ce soit la pratique Versailles, par exemple, mais aussi ces gens qui gesticulent et qui crient dans des musées et on n'a pas l'habitude, j'ai l'impression qu'on arrive sur des formes ludiques qu'on aura du mal à conserver. Alors, Versailles, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est tout aussi complexe et tout aussi facile que les autres jeux vidéo, finalement. Mais qu'en est-il ? Alors, que ce soit une visite ludique ou avec les enfants qui vont voir au travers de leur portable ou de leur tablette des choses en réalité augmentée, comment on conserve cette expérience-là. Mais plus généralement, même en dehors du musée, on a vu des pratiques telles que Pokémon Go qui ont eu une telle ampleur et une telle pratique qu'on peut se demander si une cabine dans un musée, c'est pertinent. Ça fait même peut-être même tracer des ponts avec d'autres domaines de jeu tels que je pense aux jeux de rôle par exemple, je pense à toutes ces pratiques qui vont être très sociales de jeu. Comment est-ce qu'un visiteur ou une visiteuse seule dans un musée peut appréhender l'expérience d'un jeu en société? Alors, je pense que c'est effectivement pour ça que les muséographes se posaient la question de comment est-ce qu'on fait la médiation de ces pratiques-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas considérer qu'il suffit de mettre tel jeu dans un autre contexte pour d'un seul coup en faire l'expérience. Parce que avoir effectivement l'expérience d'un jeu collectif, par exemple, ça demande certaines conditions. Ça demande aussi tout un apprentissage qui n'est pas forcément possible d'avoir au musée. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Au début, quand tu parlais de Pokémon Go ou du fait qu'on était plutôt dans des pratiques de jeu en public, pas forcément sur un écran, tout simplement, depuis les années 60-70, dans l'art, on a l'habitude de conserver la performance. Donc il y a des choses à aller chercher de ce côté-là. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, du côté des chercheurs et des chercheuses, il y a la pratique de l'ethnographie, du carnet de terrain, de la description. Et ça, c'est aussi une pratique qui est extrêmement importante. Tout ce que je peux te raconter, par exemple, de Plug, les secrets du musée, c'est grâce au travail de Camille Jutant, grâce au travail de Raphaël Koster, qui ont tous les deux, à un moment, travaillé sur ces projets-là et qui en ont fait des études hyper complètes, des comptes rendus, des descriptions ethnographiques qui, aujourd'hui, sont disponibles. Et ils ont fait plein d'entretiens aussi. Donc, tu peux aussi retrouver les verbatims des visiteurs et des visiteuses. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Après, plus généralement pour ce qui se passe dans les musées, je pense que c'est aussi pour ça qu'à un moment, s'est posé la question de et finalement, est-ce que c'est bien l'exposition qui convient aux jeux vidéo ? Et est-ce que c'est pas d'autres formes ? Est-ce que c'est pas des formes plus proches du festival où tu vas avoir plein de micro-événements, des animations ? Et finalement, on retombe vraiment sur cette question de la médiation. De est-ce que on peut avoir des expositions de jeux vidéo qui se suffisent comme ça à elles-mêmes. Et jusqu'ici, je crois que c'est ce qui a manqué dans beaucoup d'expositions de jeux vidéo, c'est que finalement, il n'y avait pas de médiation humaine. À Arcade, jeux vidéo, pop art, ça, c'était un truc sur lequel on insistait énormément, même si parfois je devais être la médiatrice un peu chiante pour certains visiteurs. On accompagnait vraiment les gens, on discutait avec eux, on jouait avec eux. Et ça, c'était quelque chose d'hyper important. Dans d'autres expositions, la médiation humaine, donc la présence d'autres personnes qui sont là pour discuter avec toi de ce qui est là, pour faire sens, c'est considéré comme un problème, en fait. C'est juste une aide technique. Tu peux être là pour indiquer comment il faut faire, mais il n'y a pas cette idée derrière d'accompagner une pratique, par exemple. Et je pense que du coup, la réponse, elle est aussi sur le fait de développer d'autres formes, peut-être plus proches des ateliers, des festivals, où on a un accompagnement humain qui est beaucoup plus important pour avoir des pratiques collectives, pour avoir un apprentissage un peu collectif autour du jeu de rôle, autour d'un jeu de société, où là, vraiment, on essaye de découvrir une forme ludique ensemble. Mais ça passe, du coup, par d'autres formats aussi. Alors, vous avez commencé à les évoquer toutes les deux, effectivement, les supports hors jeu vidéo. C'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même ta spécialité, Marion, donc on s'est un peu plus attardé sur ce sujet. Néanmoins, j'imagine qu'au cours de tes entretiens, de tes recherches, tu as eu l'occasion de rencontrer aussi d'autres formes de conservation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé en jeu de rôle? J'imagine que c'est encore un peu compliqué. On a discuté avec des bibliothécaires il n'y a pas longtemps, eux-mêmes commencent à se poser la question. En jeu de société ou en usage de modalités issues du jeu de société dans le cadre de ludification d'espaces muséaux, j'imagine qu'il y a déjà des choses qui se sont développées, qui tiennent pas nécessairement, enfin qui n'ont pas forcément toujours l'usage d'écran, parce que c'est quand même souvent ce qui marque la spécificité du jeu vidéo. Je te vois très pensive, je vais me poser une colle peut-être. Non, mais j'étais en train d'essayer de réfléchir, mais si tu veux, moi, je me suis vraiment intéressée aux jeux vidéo. Enfin, c'est aussi l'enjeu d'une thèse, c'est qu'à un moment, faut déterminer ton sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ces moments où on va prendre des jeux vidéo issus du commerce et où on va les détourner, les modifier, les adapter au contexte du musée. Et où effectivement, je ne vais pas forcément m'intéresser à d'autres formes, parce que déjà avec le jeu vidéo, il y a un moment où tu te dis « mais j'en ai trop, au secours !» Donc, j'en profite quand même pour préciser un petit peu, si tu veux. Moi, à un moment, la question, elle s'est posée, est-ce que j'essaye de faire une étude exhaustive de toutes les formes que je peux retrouver dans les musées, de toutes les pratiques de conservation? Et il s'est trouvé que j'ai eu à un moment un accès privilégié pour enquêter sur la conception et l'ouverture au public d'une exposition. Donc finalement, j'ai abandonné cette idée d'avoir une liste complètement exhaustive de ce qui existait, et j'ai passé un an et demi à observer le travail des muséographes au jour le jour, puis les visites des publics. Et ce qui fait que du coup, je me suis un peu détournée du reste. Je pense qu'en jeu de société, il y a beaucoup de réflexions, il y a déjà des centres de ressources qui existent, il y a vraiment toute une culture du jeu de société qui est extrêmement développée, mais où le jeu vidéo ne communique pas forcément. J'ai vraiment l'impression que c'est deux mondes professionnels assez distincts. Au niveau du jeu de rôle, sincèrement, je ne sais pas, donc je préfère ne pas te dire de bêtises. Du coup, j'avais une question complémentaire, parce que j'ai l'impression aussi que, y compris médiatiquement, il y a une forte valorisation sur effectivement l'introduction du jeu vidéo en tant qu'objet de musée. C'est une question qui revient souvent, mais de ton point de vue, est-ce que c'est pas aussi lié à des enjeux économiques, notamment au poids économique du jeu vidéo par rapport à d'autres secteurs, qui fait que on en parle nécessairement plus? Ça a quelque chose d'un peu plus, terme est peut-être un peu galvaudé, mais futuriste, ou en tout cas, il y a peut-être des enjeux aussi de questionnement professionnel derrière qu'on pose moins sur d'autres formes ludiques. C'est vrai qu'on va souvent le retrouver d'ailleurs dans les médias, dans la manière de parler du jeu vidéo comme d'une nouvelle culture. Généralement, c'est en disant le budget ou les recettes du jeu vidéo cette année ont dépassé celles de telle industrie culturelle. Bon. Effectivement, en tant qu'industrie culturelle, pour comprendre la place que le jeu vidéo occupe aujourd'hui dans la culture, on ne peut pas le séparer des enjeux économiques, des enjeux de diffusion, des enjeux de production. On a besoin de ça pour comprendre la place qu'il occupe aujourd'hui. Et dans l'histoire en fait, de sa reconnaissance culturelle par les pouvoirs publics, c'est quelque chose d'hyper important. Puisque la reconnaissance du jeu vidéo, elle arrive aussi à un moment où, dans les années 2000, le secteur en France connaît une crise très importante. Et ce sont les professionnels du secteur qui vont se mobiliser, qui vont créer... Alors, le sel existait déjà, mais qui vont créer à ce moment-là la pomme, qui va devenir ensuite le CNJV, et qui vont vraiment se mobiliser pour faire connaître le jeu vidéo au gouvernement et pour faire, pour que le jeu vidéo soit vraiment considéré comme un problème public et qui donc peut bénéficier ensuite d'une reconnaissance publique et notamment d'un soutien financier. Et qu'est-ce que vient faire la question de la culture là-dedans ? C'est que pour aider une industrie culturelle aujourd'hui dans un pays membre de l'Union européenne, il faut effectivement rentrer dans ce qu'on appelle l'exception culturelle. C'est-à-dire qu'on considère que les biens culturels sont différenciés par rapport au reste des biens marchands et que les biens culturels peuvent être aidés, à la différence des biens marchands qui, pour eux, en fait, si on aidait une industrie productrice de biens marchands, ça serait considéré comme une entrave à la concurrence. Alors que les biens culturels et les industries culturelles peuvent être aidés au nom de l'exception culturelle. Désolé, c'est peu clair. Mais concrètement, il s'agit de reconnaître le jeu vidéo comme un bien culturel pour pouvoir aussi le soutenir financièrement et publiquement. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va voir les remises de médailles, notamment dans l'ordre de chevalier des arts et des lettres, à Michel Ancel, à Frédéric Rénal, par exemple. C'est le moment où le jeu vidéo ne va plus être pris en charge par le Premier ministre, mais par le ministère de la Culture, avec des discours hyper valorisants. Et donc, la reconnaissance du jeu vidéo en tant qu'art, en tant que culture, dans les institutions publiques et dans les institutions culturelles, on ne peut pas la décorréler de son histoire économique, de son histoire en tant qu'industrie. Et c'est vraiment le contexte complet qu'il nous faut pour comprendre cette question-là. Je suis horrifiée. Enfin, ce que j'apprends dans ce podcast, j'ai l'impression que là, en une heure, donc on a appris que si on considérait le jeu vidéo comme un art, c'était pour toucher des sous, et que si on faisait entrer le jeu vidéo dans les musées, c'était pour attirer les jeunes, et en fait, ça ne nous intéressait pas du tout. Je suis horrifié. Est-ce qu'on ferait entrer le jeu vidéo dans la culture pour les mauvaises raisons ? Est-ce que ça risquerait pas de discréditer la part artistique du jeu vidéo et le jeu vidéo en tant qu'art ? Ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce qu'au contraire, c'est une porte ouverte dans laquelle on peut mettre le pied pour faire entrer une légitimité parce que les générations passent et dans 20 ans, ceux qui considèrent aujourd'hui, ceux qui hiérarchisent les arts auront passé le flambeau et n'auront pas le même pouvoir de décision. Où est-ce que toi tu situerais le curseur dans cette quête de légitimité et de bonne ou de mauvaise raison de faire entrer le jeu vidéo ? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir un regard, se dire c'est tout l'un ou c'est tout l'autre ou c'est horrible. Non, c'est un contexte, c'est une histoire. Le fait d'être intéressé par la venue des 15-25 ans dans un musée, c'est aussi les prendre en considération. Le fait de faire venir du jeu vidéo dans les musées pour attirer les 15-25 ans, c'est aussi prendre en considération les pratiques culturelles des 15-25 ans et ne pas forcément essayer de prendre d'autres pratiques et de leur coller dessus, mais vraiment essayer d'aller s'intéresser à ce qui est populaire chez cette tranche d'âge pour en faire quelque chose. Par exemple, c'est une version un peu plus positive de cette histoire du jeu vidéo dans les musées. Et cette histoire de on fait entrer dans l'art pour gagner des sous, bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Il faut aussi se dire, mais finalement, je vais pas lancer la grande discussion philosophique de, mais bon, on en parle de la définition de l'art et de la culture. Mais bien évidemment, non. Mais enfin, c'est là, je parle vraiment d'une définition par les pouvoirs publics, par les institutions publiques. On peut aussi considérer tout simplement que la culture, c'est pas seulement les arts légitimes, mais la culture, c'est l'ensemble des modes de vie, c'est l'ensemble des pratiques des individus, c'est l'ensemble des choses avec lesquelles ils font sens, avec lesquelles ils vivent quotidiennement. Et tout simplement, cette définition-là de la culture, elle prend en compte, de fait, le jeu vidéo. Et on n'a pas besoin de considérer que le jeu vidéo doit entrer dans un moule des beaux-arts ou de l'art légitime. Non, le jeu vidéo fait partie de cette culture. Il s'agit juste en fait de s'intéresser aux définitions qu'on peut donner de la culture, tout simplement. Tout simplement. Bon, on va tranquillement terminer sur cette question simple. Ça vous laissera 15 jours pour réfléchir, comme ça, vous qui nous écoutez. Il nous reste quand même une question à poser à Marion, parce qu'on a toujours une question un petit peu traditionnelle de fin d'épisode pour cette saison 4. C'est une question facile. Marion, on sait que tu t'es aussi intéressée aux jeux vidéo, puisque tu avais une pratique de joueuse. Et comme tous les joueurs, tu dois bien avoir un plaisir coupable de joueuse. Et notre question, c'est quoi ton plaisir coupable de joueuse ? Ça peut être un jeu, ça peut être une pratique, ça peut être plein de choses, mais voilà. C'est la question de fin d'épisode. Et généralement, les gens nous regardent, voilà, avec ce regard un peu interrogateur et gêné. Ça peut être un jeu que tu aimes beaucoup jouer, auquel tu aimes beaucoup jouer, sans avoir jamais osé le dire à tes parents, par exemple. Mais écoute, en termes de plaisir coupable, il n'y a pas de jeu auquel j'ai... Je considère qu'on n'a pas à avoir honte d'aimer un jeu, en fait. Donc, si tu veux, les trucs pour lesquels je me sentirais coupable ou honteuse, c'est pas forcément des trucs de plaisir, mais ça va être, par exemple, ça fait longtemps que j'ai pas eu une pratique hyper intensive d'un jeu, mais à l'époque, alors, quand j'étais gamine et que je jouais à Heart of Darkness, il y avait un passage où j'arrivais jamais à sauter et j'ai péter la barre espace d'au moins 3 claviers et je vois encore le ressort sortir de sous la barre espace tellement j'ai tapé sur la manette et j'ai retrouvé ce truc là avec Super Meat Boy où j'essayais de faire le temps le plus court sur chaque niveau et je me suis entraînée pendant des mois et des mois et quand j'y arrivais pas mais la manette de Xbox elle passait, j'allais dire à travers l'appart, j'avais 10 mètres carrés donc ça allait pas très loin mais je lançais la manette aussi, c'est que je suis pas mauvaise perdante ou mauvaise joueuse envers les autres mais alors quand je joue toute seule et que je n'arrive pas à passer un niveau ou quelque chose je m'énerve très fort et très vite. On le saura donc, Marion Coville est une rageuse sur les jeux solo. Voilà, c'est le scoop du jour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode sur la muséification des jeux vidéo, bien entendu, en particulier. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être avec d'autres invités de revenir sur ces sujets. En attendant, on vous laisse pour 15 jours. On vous a dit, on vous a laissé avec des questions faciles, du genre qu'est-ce que l'art et qu'est-ce que la culture. Comme ça, vous savez de quoi vous occuper. Nous, on va préparer d'autres épisodes pour poursuivre cette fin de saison, puisque là, on commence à être quand même bien avancé. D'ici là, n'oubliez pas de continuer à jouer, c'est quand même essentiel.